température tombe. DK City contre Zero, Red Celsius. Zero MC à l'affiche et malgré tout, son pavé brûle sous les semelles de nos shoes. Point de vie en constante, une carte de car pour un cheese, sous des thunes. Ici tout se mélange, arrache plâtre bleu et blanc. Team au pied d'un survêtement du nougat dans les Philippes. Moi, rien change en somme sous le soleil, absent de ma cote d'opale. Ouh, douleur et joie se mêlent à la grisaille. Rôle de ville, rôle de vie. Rôle douce pour que le temps défile, 8-6 et Heineken. Sponsorise nos parcs publics, ciel est pour toi. Dieu seul pour guide, pour ceux et celles qui survivent. Bien plus qu'ils ne vivent, très peu d'amour, tu sais. Beaucoup de sexe, les relations se font et se défont comme des lacets durant la semaine. Parle pas de taf ici, les jeunes veulent du cash en liasse. Faut que mille pièces et des puces pour les mois. Chabina c'est clou, les étoiles, le dit qui ouvre. Entre ciel et sol pour le feu, les solutions fusent pour moi. Oh, ici rien ne change, des cassettes du cirque se prouvent. Prouve, Chabina c'est clou, les étoiles, le dit qui ouvre. Entre ciel et sol pour le feu, les solutions fusent pour moi. Ici rien ne change, des cassettes du cirque se prouvent. Prouve, prouve.